Bonjour tout le monde et bienvenue dans un nouveau débat de confinement. Bon, alors là, c'est très spécial parce qu'on va pas débattre, on va rien faire d'exceptionnel. Il y a quelques semaines, j'avais acheté le premier Otaku avec un jeu de cartes. On va expérimenter le jeu de questionnaire, là, comme ça, histoire de se détendre et pour voir qui a la plus grande culture geek du groupe. Parce que bon, c'est quand même assez drôle. Autour de moi, je vais avoir Adrien. Salut tout le monde. Je vais avoir notre ami Nico. Yo. Et pour faire les questions, on va avoir un Little Library Rat. Salut tout le monde. Alors, le jeu, comment ça va se passer? Donc, c'est un jeu de questionnaire. Pour éviter que ça soit quelqu'un qui réponde en premier, parce que ça risque d'être le cafouillage, on va répondre à une question tour par tour. Little Library Rat, oh, je veux dire Little Merde, va lancer un dé. Les résultats du dé va déterminer quel type de questions elle va poser, puis ça sera à chacun des personnes à répondre. C'est bon pour vous les règles ? J'ai rien compris. Non, je rigole, oui, c'est bon. Mais du coup, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs catégories alors ? Il y a trois catégories. Il va y avoir une catégorie manga, une catégorie jeu vidéo et une catégorie Japon. D'accord. Alors moi, je prends juste le jeu vidéo, s'il vous plaît. Merci. Alors ça, pour ça, ça dépendra du résultat du dé. Alors, peut-on connaître les résultats de dé ? Peut-on connaître comment c'est choisi ? Tu fais quoi ? Oui, tu bien fais sûr. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ou... Alors, je prends un dé de 6. Les résultats de 1, 2, ça va déterminer les questions manga. 3, 4, ça va être les catégories jeux vidéo. 5, 6, ça va être la catégorie Japon. Et okay. Pour éviter toute tricherie de moi ou de vous, c'est Little qui va lancer le dé de 6 à chaque fois et qui annoncera quelle catégorie c'est. Okay. Et du coup, la catégorie, quand il y en a une de choisie, il y en a, c'est pour tous les trois ou c'est pour une personne ? C'est pour une personne à chaque fois. D'accord. Ça laisse un peu plus de suspense. Ouais, et bien sûr, il y aura un système de points. Voilà. Voilà, pour déterminer le vainqueur. Celui qui répond juste. Voilà, celui qui répond juste à la question aura un point. Est-ce qu'on a le droit de changer de question ? Au moins une fois ou deux, genre des jokers. Non, Little me dit que non, de tête. D'accord. Trop facile, sinon. Non, mais on aurait pu avoir, tu vois, genre un joker, tu vois. Genre, bon. Non, Little me dit toujours non, me fait toujours non. Ok. Bah, tu trouves que je suis sévère, mais en fait, le plus sévère du coup, c'est pas moi. Hein. Oh, j'essaie de faire mon météo. Ouais, c'est bien, tu peux toujours essayer. Donc, c'est parti. Allez, je propose à Adrien de commencer. D'accord, si tu veux. Alors, ça sera une question sur la catégorie jeux vidéo. Super. Combien de modes de jeu comprend Mario Kart ? Citez-les. Comment ? Combien de modes de jeu comprend Mario Kart 8 ? Citez-les. Combien de modes de jeu ? Oui. Oh putain. Alors attends. Non, n'allume pas la Switch. Non, je ne l'ai pas. Il y en a... Je crois qu'il y en a 4. Comment ? Ouais, j'hésite. Parce qu'il y a le mode... Moi, je vais les citer. Il y a le mode course... on va dire avec les coupes. Il y a le mode contre la montre, je crois. Il y a le mode battle. Il y a le mode... je crois qu'il y en a 4. Oui, c'est ça. Ouais, c'est ça. Ouais. Super, j'ai un point. C'est ça. Alors, le dernier, c'était course versus, à mon avis, ça doit être le mode local ou le mode en ligne. Ouais, bon. Oui, c'est ça. Le versus, ouais. On lui met un point, du coup ? Oui. Ça va. Allez, ben, c'est pour Nico. Nico, catégorie manga. Elle va vous faire foutre. Non, mais c'est des questions faciles, je pense. Attends. Quelle était la mission principale du sergent Keroro? De tuer tous les juifs, non? Je sais pas, je sais même pas de quoi vous parlez. Donc bon, je suis un sergent, l'armée des nazis ont tué des juifs, voilà. La réponse était envahir la terre. D'accord. Et ça venait de quel manga? Du sergent Keroro. Je viens de regarder. C'est le nom du manga, sergent Keroro? Ouais, est un manga humoristique écrit et dessiné par Min Yoshizaki, prépublié en 99. Je ne connaissais pas. Moi non plus. À toi? À toi, Jeff. Alors, ce sera une question sur les jeux vidéo. Putain, non, mais j'en ai marre. Sur quelle console peut-on jouer à Dead or Alive 5? C'était sur PS3 ou Xbox 360. Et c'était une bonne réponse. Très bien. Alors, elle me cache les cartes, hein, je vois pas les réponses. Hein. Encore heureux. Ah non, mais je précise au cas où. Alors, vu la rapidité, tu pensais qu'on en doutait, mais en fait, on sait juste que Dead or Alive, il y a des nichons, donc forcément, tu allais connaître la réponse. Ouais, je suis mauvais joueur, donc je suis obligé de bâcher les autres. Allez, Adrien, c'est à ton tour. Vas-y, balance. Ah, catégorie Japon. Ok. Quel est le plus important sanctuaire Shinto du Japon? Ça doit être celui de Tokyo et c'est le... oh putain. C'est... Oh là là. Putain, c'est le grain là. Oh, je sais plus comment il s'appelle ce con. Je sais plus. Mais je sais qu'il est à Tokyo. Alors, est-ce qu'il est à Tokyo? Alors, non, il n'est pas à Tokyo. Et la réponse, c'était le sanctuaire d'Ise. Ah, oh, bah alors, je sais. Bah, je sais. Situé dans la ville d'Ise. Ouais, ok. Alors, Nico, catégorie jeux vidéo. Qui est le caractère designer du jeu Disgaea? Comme ça que ça se prononce? Disgaea. Disgaea. Disgaea. Mais c'est quoi ces questions, putain? J'en sais rien. Alors, Takehito Arada. Voilà. Très bien. Alors, Disgaea, apparemment, c'est une série de jeux vidéo très connue au Japon. Ouais, non, voilà. Non, mais j'ai que les questions là, con, j'ai compris, quoi. Alors, c'est du hasard, Nico. Quoi? Le monde ne t'en veut pas, Nico, t'inquiète pas. Je vais retourner jouer au Gwent, en fait. Non, ça aussi, c'est une mauvaise idée. Alors, c'est quoi ma catégorie? Une question sur le Japon. Ah, génial. Quelle est la combinaison signe astrologie chinois / élément naturel considéré comme étant de mauvais augure? La lune? Non, c'était le cheval de feu. Ah putain, oui, en plus, c'était connu, ça. Bon, ben voilà, pas de points sur ce round. Adrien? En fait, on est tous mauvais. Attends, c'est un truc sur le Japon en général, il y a plusieurs trucs qui touchent au Japon, donc bon. C'est un peu ça. Et à part de s'y connaître vraiment et d'être vraiment passionné par ça, c'est un peu compliqué. Du coup, c'est catégorie Japon hein, pour toi, Adrien. D'accord. Comment appelle-t-on un kimono d'été? Ah, c'est un yukata. Eh oui, c'était une bonne réponse. Oui, la question simple. Attends, t'es sérieux, toi? T'as vu ce que je me suis tapé avant, le plus vieux sanctuaire ou le plus connu? T'as vu les questions que j'ai chopées, moi? Allez, vas-y, balance pour moi. C'est sur le Japon aussi. Qu'est-ce que le washi? Le washi? Ouais. Putain, ça me dit un truc, cette merde. C'est pas censé être une lame ou un truc comme ça? Alors, tu veux la réponse ou pas? Ouais, okay. Voilà ça. C'est du papier traditionnel japonais. Oh putain. Ouais, bon, mais ok. Ah ben si je peux te défendre, Nico, le papier ça peut couper aussi. Ouais, parce que je disais Wachish, il y a le Wakizashi, des trucs comme ça. Je disais, il y a peut-être des. Alors que non, tu vois, c'est pas comme l'anglais et l'espagnol où tu rajoutes un A à la fin. C'est bon. Non, c'est pas pareil. Alors, pour toi, Jeff, la catégorie du Japon, encore une fois. Ah. Ouh là là, je n'ai jamais réussi à prononcer ce truc. Alors, en quoi consiste la cuisine teppanyaki ? Comment ça se prononce ? Teppanyaki, non ? Teppanyaki, ouais. C'est de faire frire ces aliments ? Alors, les plats sont préparés sur une plaque chauffante utilisée pour cuire les aliments. Je sais pas si c'est... Non, frire, c'est... Non. C'est pas... Non. Bon, ben non. Bon, bah Adrien qui prend la tête avec 2 points. Catégorie Japon, Adrien. Le okay. Nous en veut. Non, mais... Raph, vas-y. Comment appelle-t-on les pâtisseries japonaises ? Les pâtisseries japonaises. Je sais pas, je vais dire mochi, mais non. Alors, wagashi, ça s'appelle. Ouais. Je sais. Non, on connaît que les noms de bouffe des plats spéciaux, on connaît pas le terme général. Ouais, voilà. Ah, ça, tu vas peut-être savoir, Nico, je pense. Nico, c'est déjà une catégorie manga. Ouais, je pense que tu vas savoir. Avec quel objet Laura poursuit-elle Nicky Larson quand celui-ci fait des allusions perverses ? C'est le marteau, non ? Oui. Oh putain, mon premier point ! Alors. Catégorie jeux vidéo pour toi. Dans quelle ville se déroule le second opus de la saga Assassin's Creed ? Venise. Non, Florence. Enfin ouais, Florence en Italie. Il n'y a pas de partie à Venise ? Pour ceux qui ont joué à Assassin's Creed 2, il n'y a pas de partie à Venise ? Si, il me semble. Et là, c'est Florence en Italie. Ouais, mais je pense que vu que c'est une petite partie qui se passe à Venise, l'acte principal peut-être se joue à Venise, à Florence. Ah, est-ce qu'on le compte parce que t'as quand même... C'était presque ? Non. Donc, Adrien, 2. Oh, mais si, c'est Nico, bon. 1 et moi, 1. Enfin... Après, Nico, qu'est-ce que t'en penses ? On peut lui donner un demi-point, peut-être que... Ouais, mais le compteur, il fait pas des demi-points pour moi. Je veux pas dire, mais il te manquait une catégorie. Ah. Mais est-ce qu'il était demandé sur la carte de citer les catégories ? Oui. Oui. Ah, bon. Bon, ben, je t'accorde le point, Jeff. Ah, c'est gentil. Donc, ça fait 2 pour Adrien et 2 pour moi, et toi, Nico, 1. Alors... Adris, question sur les mangas. Quel magazine de prépublication française sorti en kiosque de 1995 à 1999 a fait découvrir Clamp au public français ? Alors ça, c'est quand même assez intéressant parce qu'on a enfin le nom du magazine qu'on cherchait depuis le premier débat comics. Oui, effectivement. Et tu sais pas. Effectivement, je l'ai su. Alors, tu sais, mon cerveau, il fait beaucoup de reset. Souvent. Attends. C'est le. Je vais le retrouver hein, dans ma mémoire. Je vais y arriver. Pixel Magazine. Non. Ah oh, putain. Je suis mauvais, j'ai pas de mémoire. putain, c'était le. Oh putain. Oh, je sais plus. C'était. Oh, je sais plus. J'ai oublié. C'était le Manga Player qui était en kiosque de 95 en 99 et qui a été donc racheté par Pika. Ben oui, je sais. Je savais pour l'histoire de Pika, mais putain, je savais plus. Putain, mais oui, c'était le Manga Player. Bon, ben tant pis. Bon, Jeff, pour ta défense, effectivement, en plus de Florence, on a Venise aussi, Forli dans Assassin's Creed 2. Donc oui, on t'accorde le point. Ah, merci. Alors, une question pour toi, Nico, sur les jeux vidéo. De quel jeu Samus Aran est-elle le protagoniste principal ? C'est Metroid. Eh oui. Oh là là, Nico, t'as un deuxième point. Ouais. Alors, pour toi, Jeff, sur le Japon, je pense que tu peux savoir ça. Comment s'appelle la limonade japonaise ? La quoi ? La limonade japonaise. Je n'ai strictement aucune idée. Ramune. Ouais, ramune, un truc comme ça, ouais. Ouais. Ça me dit un truc comme ça. Ouais, mais non, on est tous à deux points. Alors, pour toi, Adrien, une question sur le Japon. Qui sont les trois unificateurs du Japon qui ont permis d'instaurer l'équipe, l'époque d'Edo, pardon? C'est une très bonne question, dis donc. Oh, tu as lu des mangas, tu dois connaître des noms de grands seigneurs japonais, vas-y, balance au cas où. S'il y en a un déjà, je pense qu'on peut t'accorder un point, peut-être. Oui, peut-être. Putain, il y en a un qui que je connais, mais j'arrive plus à... C'est Shana, quelque chose, je sais plus. Non, mais franchement, les trois, je... Non. Tu dois avoir quoi, les Sanada, les Tokugawa, des trucs comme ça, non? Alors, je te donne la bonne réponse directement, Adri. Ouais, mais là, oui, trois seigneurs, des dos. Alors, t'as Oda Nobunaga. Oh, putain, Nobunaga, oui. Putain, c'était ça. Toyotomi Hideyoshi et Tokugawa Ieyasu. Ouais. Voilà, putain, moi je le savais avec Samurai Deeper Kyo, j'en avais au moins deux, non quoi. Dans au moins Ieyasu, fait chier. Bon, mais mec, moi j'ai pas de mémoire, hein. J'en annonce. Hein. Ah, mais moi t'inquiète pas, je le sais surtout parce qu'ils en parlent vachement dans les Samurai Deeper Kyo. Non, mais Oda Nobunaga. Oui, il est quoi. Putain, mais c'est lui que je pensais, il avait une grande. C'était un stratège, surtout au fusil en fait. C'était un grand, grand stratège, putain, et je l'ai zappé. Un grand seigneur de guerre. Putain. Ça m'énerve, parce que ça, ça m'énerve. Allez, vas-y, prochaine question pour Nico. Alors, sur les jeux vidéo, en quelle année fut édité le premier Castlevania ? Oh putain ! C'est vieux, ça, en plus. Faut donner l'année précise ? Eh oui. Oh putain. J'ai peut-être une idée. En 80, 1900... Putain, je sais pas. 87. Ah, presque. Il est vraiment presque, là. Pas 89. Moins. Ah, bon. C'était en 1986. Bon, de toute façon, sinon, je pensais 84 au départ, donc ça change rien. Il était presque. Ouais. Ah, Japon pour moi. Ouais, t'es content ? Ah oui. Alors, quelle danse peut-on voir à Tokushima pour la période d'Oban ? D'Obon. Aucune idée. Awa Odori. Et je me coucherai moins con. Elles sont chiantes, ces questions sur le Japon. Bah, c'est des vraies questions sur le Japon, quoi. C'est... Alors, Adri, sur les jeux vidéo, de quelle série est issu le personnage de Pete disponible sur Super Smash Bros ? De Pete ? Ah putain, Pete, c'est Fire Emblem, non ? Ah, est-ce que tu es sûr de ta réponse ? Non, mais... Toi qui es un grand fan de Super Smash Bros et qui joue tout le temps, tu sais pas. Ouais, mais bon, je joue à Smash Bros quand je suis pas au jeu où Pete, il est dedans, quoi. Moi, je peux sortir un truc au cas où, je suis pas sûr. Fire Emblem. Vas-y. C'est pas Kid Icarus, Pete ? Si. Ah ouais, bah, j'aurais pas trouvé. J'étais un grand joueur de Pete, c'est pour ça. Ah, Japon, Nico. Alors, comment s'appelle le papier que l'on tire pour la bonne aventure? Ah, t'en as tiré plein de papiers pour la bonne aventure en plus, Nico. T'as qu'à mettre toujours de la malchance. Mais c'est pas moi, c'était Max. C'était Max, il était oui. Malchance tout le temps. Il avait fait deux ou trois fois, je crois. Que la nana lui avait fait tirer une fois, il fait « Oh, retirez. » Je sais pas, pour revenir à une des premières questions, le washi, c'est pas ça, mais bon. Non. Mais je sais pas. C'est... Omikuji. Voilà, Omikuji. Ah, question manga pour moi. Alors, comment s'appelle l'auteur d'Angel Sanctuary, Fairy Cube et Ludwig Revolution? Oh, purée. Quel bel accent. T'inquiète. Bizarrement, je n'en ai strictement aucune idée. C'est pas des mangas que je lis. Alors, c'était Kaori Yuki. D'accord. Assurer Jeff, même s'il me demande des noms d'auteurs de mangas que je lis, je suis pas sûr de retrouver non plus. Oh, je pense qu'il y en a certains que tu peux retrouver. Si je te dis Bleach, Berserk ou Naruto, tu vas savoir me le dire. Oui, mais bon. Alors, pour toi, Adri, sur les mangas, de quelle ville vient Yuri Katsuki de Yuri on Ice? De quel manga c'est? Yuri quoi? On Ice. On Ice? Ouais. De Tokyo, je sais pas. Non, Azetsu. Ouais, d'accord. Il vient tenter un nom, hein. Ouais.